suis banlieusard côté ouest d'une grande cité réputée. Chez nous pas de capitaine, tu trouveras que des trafiquants t'es en train de débiter. Les codes, la cahier t'offre des travaux pratiques. Les anciens qui restent sont ceux que la justice a fatigué. Les cons n'ont pas encore tilté que c'est nous. Tu sens du shit qu'on te fournit de qualité excellente. Mon vieux tu sais que c'est nous. Les braves comme nous tu sais que c'est rare. J'serais démonade dans le bâtiment comme un Texera. J'ai rien à la mentalité. J'suis sûr de moi, moi j'suis pas dans les probabilités. Les condés sur mes coins, j'passe les frontières en toute tranquillité. J'peux trop vers la tête, une cavale demande beaucoup de liquidité. J'fais ce qui m'en t'a des poires, pas d'encolo canté. Toute la mif serait monte, j'pars rentrer, j'dors au télé. J'regarde pas les rétros, j'ai pas le temps, j'fais bombarder. Arba d'encolo canté. Même par terre, on portait le haine. J'suis loin de ces fils de avec ma haine. Juste le dos et sur la détente, j'ai l'index. J'suis pas qu'aimé dans mon check-son. On faisait la guerre pour un terrain qui faisait pas 1005. Monté sur des bras sa mère, on était plus que la section. Avec toi, j'peux pas tourner, tu jacques de trop, mais tu commences déjà par fermer ta gueule. Ceux qui veulent t'enculer sont souvent proches de ta queue. J'les baisse comme ceux qui font les voyous alors qu'ils sont maqués. Pose au kawa d'Espa, j'suis dans la thèse et quand arrive qui tape, j'reste pas. Y'a des terrains à 7 balles, tu pars deux anciens secs pas. Maintenant roule en mode sport. J'fais ce qui m'en t'a des poires, pas d'encolo canté. Toute la mif serait monte, j'pars rentrer, j'dors au télé. J'regarde pas les rétros, j'ai pas le temps, j'fais bombarder. Arba d'encolo canté.